papa c'est tout ma vie qui tu m'aimes. Toutes les merveilles de tous les jours je veux regarder. Et je veux voir toutes les merveilles de tout le monde. Ma vie avec toi, encore ensemble. Encore ensemble c'est une histoire plus difficile. Au ciel dis-moi est-ce que je peux chanter pour toi. Thank you.